de Silo Hint à Brezhoneck. C'est l'heure de retrouver Hint à Brezhoneck. On se retrouve, Henri, pour une nouvelle émission de Hint à Brezhoneck, le chemin de la langue bretonne. Leçon 536, Pem, Kant, Rouer, Atrégonde, c'est ça? Pem, Kant, Rouer, Atrégonde, oui. Voilà. Henri, on commence par Guerriou Arvué. Oui. On parle de foot aujourd'hui ou quoi? Ah oui, c'est un peu ça, oui. Parce que c'est un mot que j'avais traité il y a, dans l'émission 130, donc ça fait quelques années de ça. Ouais. Hein, il y a 400 émissions. Et ça m'est venu quand j'ai vu qu'on avance lancé dans une opération qui s'appelle Carlon, donc qui permet aux actionnaires, aux sympathisants, aux supporters de devenir actionnaires. Hein, ce qui était une bonne idée, à mon avis. Hein, ah, c'est ça, c'est demander des sous aux gens, en fait. Oui, c'est-à-dire les supporters peuvent devenir actionnaires, quoi. Comme une société par action, quoi. Et c'est assez unique dans le foot en France. Et donc, ça s'appelle l'opération Calon. Alors, Calon, alors d'ailleurs, qu'il faudrait prononcer Calon, hein, parce qu'on entend Calon, hein, alors qu'en breton, bien sûr, c'est Calon, hein, bien rempli. Hein. Voilà, le on bien rempli, nasalisé. Voilà, alors c'est un vieux mot qui existe également en gallois et en cornique. Hein, en gallois, c'est Calon, C-A-L-O-N. Hein, et voilà, ça se prononce pareil. Et c'est un mot qui a un pluriel régulier, hein, qui est calons-nous, hein, et c'est un mot féminin. On dit orgalon. Voilà. Alors, au sens propre du terme, ben, c'est l'organe, hein, la pompe centrale du cœur humain, hein, du corps humain, hein, qui envoie le sang un peu partout, hein. Et donc, dans ce sens-là, on entend très souvent, hein, clan et igalon, son cœur est malade, hein. Mare Ganon Lam Kalon, il est mort d'une crise cardiaque. Voilà. Louzou Vider Galon, des médicaments pour le cœur. Tous les vieux ont ça, tu sais bien. Voilà. Et alors, c'est utilisé pour le cœur, mais aussi pour la région de l'estomac aussi. Hein. Quand on dit Stouffe des Moralon, hein, c'est pas le cœur qui est bouché, c'est la région de l'estomac. Hein. Digor et Mehalon, hein, mon cœur est ouvert, hein, c'est-à-dire j'ai l'appétit. Hein. D'ailleurs, il y a Digor Kalon de l'apéritif. Hein. Voilà. Alors, au sens figuré, donc c'est le lieu des sentiments, hein, comme en français, bien sûr. Hein, par exemple, au Rand Galon, hein, un crève-cœur, hein, voilà. On Dene Galon, hein. Alors, Dene Galon, c'est quelqu'un qui a du cœur dans tous les sens du terme. Hein. C'est valeureux, généreux. En gallo, ils disent cœuru. Cœuru. Ouais. D'ailleurs, le mot courage vient du cœur aussi. Hein. En français, le mot courage. Voilà. Alors, on trouve ça souvent dans les chansons. Hein. Par exemple, Guir vrai ton œil, tu de galon noir zao. Hein, la chanson Guir vrai ton œil, hein, qui a été faite par Paul Tréhouré, c'est-à-dire qui était un prêtre qui s'appelait Augustin Conque. Hein. Et on trouve plusieurs fois, hein, dans cette chanson, on trouve plusieurs fois le mot calon. Hein. Breton œil, zavon bom halon, nous bretons, levons nos cœurs. Hein. Et on trouve ça très, très souvent dans les chansons comme ça. On dit le galon, leur plat le galon, hein. Voilà. Grace galon, hein, formule de politesse, hein, qu'on met souvent à la fin des lettres, par exemple. Hein. Grace galon granard, hein. Voilà. Point galon, hein, le mal de cœur, mais au sens sentimental. Hein. Voilà. Quand on dit ne scalon ne bête, hein, il n'a pas de cœur. Hein. Quelqu'un qui n'a pas de cœur, voilà. Dans la chanson La Pussy Gorouate, qui est une chanson qui est un peu l'hymne national du pays bigoudin, La Pussy Gorouate, on dit Kalon on in tan vetris non zade, Kalon on de yowang velawen bemde. Le cœur d'un veuf est toujours triste, hein, non zade, non nuit et jour, et celui d'un jeune homme, donc il n'est pas encore marié, est toujours heureux. La comparaison entre le veuf et le jeune homme, quoi. Voilà, alors au sens religieux, hein, c'est très... Ah ben, Kalon Zakre, hein, le sacré cœur. Hein. On parle souvent du cœur de la Vierge aussi. Quand l'onde douce varie, quand l'onde m'emdouée. Hein, tous ceux qui ont mon âge ont entendu chanter ça. Voilà. Alors, au sens de courage, hein, bien sûr, hein, j'ai dit tout à l'heure que le mot courage vient de cœur. Hein, et donc, en gallo, je l'ai déjà dit, un cœur eu. Hein, voilà. Alors, c'est aussi... Alors, le sens de courage, par exemple, « Carl onneneus d'Oberilabo ». Il a du courage pour faire son travail. Et « Kolgalon », c'est perdre son courage. Hein. Il y a d'ailleurs un verbe hein, qui est « digalon ekat », hein, se décourager. Et puis, pas mal d'autres mots qui sont bâtis sur « Kalon ». Alors, il y a une autre idée qui est rendue par « Kalon », c'est l'idée de centre, hein, Kalon Breiz, hein, la destination touristique, tiens, Kalon Breiz, hein, centre de la Bretagne, Kalon Orvro, Kalon Orgouan, le milieu de l'hiver, Kalon Lundorn aussi, on dit, hein, le creux de la main, le cœur de la main, Kalon Orwad, hein, Kalon Orven, hein, le cœur de l'arbre, hein. Et d'ailleurs, dans ce cas-là, on emploie aussi des fois kalon, un dérivé qui est la partie dure de l'arbre, du tronc, quoi. Un autre dérivé, c'est kalonat, hein. Kalonat miyomwebe zivul bezmegwele, hein. J'ai eu de la peine de cœur à me lever. Mmh. Le conscrit qui va tirer le billet, hein. Bon, bien, et Kalonen, je l'ai déjà dit, hein, donc c'est un dérivé, c'est un mot féminin qui veut dire le cœur d'un arbre, par exemple, le cœur du bois, ou l'âme d'un fil aussi. Hein. Kalonen, l'âme d'un fil. Hein, Ou d'une corde, oui, voilà. Bon, ben, Grem montant trop ou Galon. Allez, on passe à la seconde partie, Brezon Ectan Matam. On passe à Brezon Ectan Matam, le petit dialogue. Henri, on va retrouver Job Nedelec, c'est ça? Oui, Job Nedelec, donc instituteur en retraite de Zantol, qui entraîne les gamins chaque année pour aller au camp d'Orbobl. Et là, l'autre jour, il y avait le camp d'Orbobl à Plouderien. Et donc, il est allé avec une dizaine de gamins au camp d'Orbobl. Et Chanik est allé le voir, alors on va les écouter. Salut Job, madje. Matré, Chanik, nahoui. Matrié. Mais l'aridinta, job, clévet de meus, orbet, neveso, ba, quand arbob, quand bugal, est-ce qu'on le zon tolok? Ja, bedon men del, ba plou de rien, evit kand ar bobl, o strolad gant dek bul go gant in, re e siem daou. A peseur gant aouen, an peus kandet? Blam vugal en eus di bab kando, yannig evit vichèr, met gant kom jouel. Kom jouel? Ya, vugal en eus ijine d'or yannig evit vichèr, vraiment, o labour a den start-up, hag hunter burnout, da skouir ar gant aouen oa, mi e yannig evit vichèr, pardon de war un urziateur, o labour a dre internet, hop, hey, tra la la la, la la la la la la la la la la la la la la. Fen tu savoir. Ya, un dut voir ze bazar mi lardar. Hag ar prise peus bet. Un eil brise m'un bet peus ne kefal. Ben on va reprendre. Voilà. Ce dialogue, Henri, avec Job Nedelec et les enfants qui vont au Connard Bob. Phrase à phrase, donc la traduction en français. Salut Job, madame. Oui, ça va, comment ça va? Matré, Chanik, Naroui. Très bien, et vous? Matré, yé. Mais la redinta, Job, clévet me, sorbet ne vaisseau, bah, Connard Bob, gant bugale, skol, zantoluk. Oui, voilà, j'ai entendu que vous étiez allé récemment au Connard Bob avec les enfants de zantoluk. Ya, bedomb un déal, bah, plou derrien, et vite Connard Bob. Oui, nous sommes allés l'autre jour à plou derrien pour le Connard Bob. Astrolat gant dek bugel, waganin, réar, CMDAO. Voilà, il y avait un groupe de 10 enfants avec moi, 10 élèves, quoi, ceux du CM2. À Pesser Kanawen, au Peskanet. Et quelle chanson avez-vous chanté? Blamant, or vu galé, au de Skanet, Yannick à Vilvicher, mais gant komzou, gret ganté. Voilà. Cette année, les enfants ont chanté Yannick à Vilvicher, hein, c'est une chanson de Philomena Cadoret, bien connue, hein. Mais avec des paroles qu'ils ont faites eux-mêmes. Comme d'autres paroles? Ah, ya. Alors, vu qu'aller aux deux iginettes, alors, Yannick à Vilvicher a vraiment. Oui, les enfants, imaginez un Yannick à Vilvicher d'aujourd'hui. Ou labourat et une start-up, un hunter burnout. Voilà, qui travaille dans une start-up, et en français dans le texte, hein. Et qui est à moitié burn-out, en français moderne, dans le texte aussi. N'espère. Alors, quand Awen a Gret Gand. Alors, par exemple, dans cette chanson, on trouve. Mais Yannick à Vilvicher. Oui, je suis Yannick aux mille métiers. Pas dans des war en usiataire. Toute la journée sur un ordinateur. Au labourat Dre Internet. En travaillant sur Internet. Voilà. Fentu ce soir. Oui, c'est rigolo, oui. Il y a un Chanik. Un dut basal. Oui, Chanik, les gens dans la salle riaient. Agar prise peus bet. Et vous avez eu un prix? Ah, ya, un nez prise. Oui, le deuxième prix. Pes ne kefal. Ce qui n'est pas mal. Et c'est terminé. Voilà. Bon, eh ben, on va les laisser avec Lorianny Carville-Vichère et on va retrouver dans un tout petit instant Petras au Nevervro, c'est la Gazette du Pays. Thank you. Riri, Petras ou Nevervro? Ben, Calzedra ou Nevervro, Bouervé, je dis aux hommes. Grogom de Dientan, Velkis, Acustum, Gandela, Bourdouar, à Gandervue et Warmes. Bon, tramène des misouir, vraiment, misouir est bien, de l'art et régos, n'est que béré stern, me stra, n'est que béré, ne ce que béré, le scorn, ne ce que béton merbit, à cet yon bail, vraiment, bah, mise mœurs, à Mondoran, Moarzu, Neve Hamzer. Vie de chasseur, yon est échu, quasi échu, vraiment, un Hamzer de chassé, là, à vraiment, vos Hamzer, vie de biscuiteras. Vos digours de biscuiteres, bah, crise de mise mœurs. Avec vos gueules de biscuiterien, hid, quand, stéréo, vel juste, hein, vel qu'ils accustument. Vie de l'art bourdouar, bon, de pem boirnug ne vis ouire, ou à digours de salons de l'art bourdouar, bah, Paris. Arrêtez au bécal de Dude, à cal de Londe, d'un spen permis Londe, ou à de Veled, hein. Ag nomisque, ou à Baninor, ou Plam, ou ver de ze Wen Brise du Braise, ag bon spen, spen vite, et wap, yo a dig, dig ver de ze Wenz, ag homme ou à fin, hein, ver, werla, werla, ag ou à de ze bro redon. Juste rogue salon on tombe rogue salons ou à être dans l'ang Xavier Belin ou à président d'un FNSEA ag zo marg an olam galon hein, et vel Jean-Michel de Métayer rogan hein, ou à que médaille la entercan sais-tu vos ba fine mismeurs vos aime vos d'un FNSEA ba Brest à Gavodi Bob, au président de Neve, avec juste, hein, Christian Lambert, Ra, Wardro, hein, au Rotas, au Lac d'O, président de Neve. Bon. Vipézel de l'Arbourdoua, un din, hors studi, bah, agrocampus Rennes, Roison, hein, Pélarine Mod, un osgrid hors studi, ou à referme, ou à Brace, vraiment, autos de très grande mille fermes, Brace, à Ben Deauville, Ben Moardugen, ne vaut que Chine, mais de, on tombe mieux vie du Gunmil, de ce studies, ma treize ne vaut que très guir, mais Drevras, du roi, vaut guir, un peu dur, ne peut-être aura un univers, ne fera mieux, hein. Végénome, sur contendard de ce giste, hein, à rejustement, bah, salon, zobéd au, au rond qu'on vit de giste, à que vraiment, avec comme ce don tombe mieux de ce giste pire, puis dur, avec être giste, grand allo, mais végénome, grand pire. Ag bah ton front ar bah Normandie zo naosé visé ag greisen studi ici zo labourat war gispir evid kad gwepir ag refe vreus abritor ka redel e red got az gwalbel hein, de grad freus war gwepir bon kom ze vekals ur mar e man ivé pe kom ze de ze labourdouar de ze nezen metal bon, plus dur, moyenne odeur méthane, grande calze trop, hein, grande taille, grande, trop brègne, trop, dit-il-le-sque de ce l'arbre d'oua, ag, hopperle, zo ronde or, au méthaniseur, velvelard, au pays méthaniseur, balle-en-balle, ag, clèvemeuse, prestige, qui reboute une camper et une drogue en méthane. Ag grand méthane deux l'arbre d'où argisbon bon bah bro Allemagne zo Berne de Stal Yaudis hein bah bro Vrande ce que casse métal vraiment mais matzen Daisy Waller les bon qu'est dermat avec comme des cudé nous les un plus dur Goudoram Nakbard en trop grande les avec Tristan grande prise ag on dra zoué ce soir et les eaux mais dans man ne ce que trawar plus dur bon et bédibob de zout de pelzo et bédibob de vie d'oreille les trut hip calz druan en ibars à c'est une ce que calz ne ce que dans man noir tin ag stallo une plus jeune man de sbir quand dans man hermar et bon. Bon, comme se fait calze de ce des heures Pâques. Heure Pâques, automne, der Mat wie kommt des heures Pâques, hein, trügen la so, voilà, que der Pâques, de la bourrade, hein. Hag, bib, tripe berbla, pempla, ve change de, en trou, a bopet zo, kudenu, hag, vraiment zo, on kommt des heures Pâques, d'auville hugen, hag, bon, gwellet wo pis amod wo kon, ganzi. Hendel zo kuden ou ur marremant gant kokoy ou pempoul pu dur re en dud eus er kokoy ou ve pe eus ur an damant hag bremañ ve l'estradur zo kas pe o en dud laka de broduer yen de pe o en dud den ur hag zo kuden ou anze a matrez en benefin vo an arvar Kokoyou pempoul, gwell vo pe sa mod vo kon. Kuden ouzo ive gant an nul ou, pu dur goudoret am ba bro breiz am zo kalz eus aver yon yir, pu dur doug an dregant deus an nul ou ve produ de breiz, hag kalz deus an nul ou zo ve produ de ba klud ou zeret, hag staliou braz, au jonge de Pasgwer ze tin eu ou de ze gludio ou zert, ben dauvil pem war nugen. Hag pe sa mot vo kon den ben a war was, pe dur kal ze dun eus ged o bern frej o war ludo, hein. Hag benefin vek gwar de pe sa mot vo kon. Bod vi komz an tamm deus an ekonomies, e blav eus dauvil seiteg vo blav nentouan, plus dur vos lances de un LGV Velvelard entre Paris à Roison bamis est besoin bamis ouen puis bamis est vos prestes linens agavon j'aurai vos cals dudo tapo en train vimon vous n'y saurez voir en ouan. Bon, comme ça, mon temps de ce Zévenadur, Hugues Lasso a été un an, une Jean-Édern allié, ou à au scrivanier, à Gondin, Istrog, longtemps, à, au scrivanier de Jean-Claude Lamy, le scrive d'Oliver, ou à Jean-Édern allié, l'idiot insaisissable. Oliver, elle, puis dur, on compte de ce léverio, zo bezav ne vesso, skrive ne vesso, o neverel zo be skrive gant Michel Priziak, war Lokarn, war Parouz Lokarn, hag zo haunet Lokarn Valle, zo osnek, zo war vid or an tamm zerlag de Silicon Valley, war an ramnek et isa. Hag ur yer a rog zo skrive gant Joseph Le Bihan, ne skrouvet skolveur Lokarn. Pe on komz deus leverio, vejo komz an deus film ou Philippe Guillaume eus get o film eus ke war gwal belzo, war bue Mathieu Endour, zo gourenar, zo seis la treg, on hag matrez an vez, vo echu presti garrier an gourenar gantan, an eus gret or film war ze. Gwal peze nan ya, eus ke gwal or film, tramne vo zo war ban tele presti gam. Ah oui. Ya, bra oui. Hag Gilles Serva, eus enrol de nevesso ur blanden, Evid hanter kant la war le Reno hein hag bon ne ket ne manke din gwer soaz mais presti je vos roi en blanc de grand il serva bon de deadar et amzer hanner bob plus dur bon ben de dose que du smers vos ba melcarez à bacawan à walherbe ba misible vos ba pondi evid des chui quoi. Hag gant ur honneur bob, gant déchu im gontaden. Bon, déchu evidudu. Merci Eric, en avo. Ya, ti en avo.